Squad. Au chacun, moi je vois que t'es jaloux et tu me détestes. Dans ma tête y'a que la mif, les frères l'oseille et pop le reste. Pas besoin de le redire, même ça me fait que c'est nous les bêtes. Mais gros, sois pas trop attends, en plus de ça tu prends nos restes. T'as pas qu'un espèce, donc compris garde tes caisses. 4 que 6 de 17, dans tous les coins ça blesse, blesse. T'as pas qu'un espèce, donc compris garde tes caisses. 4 que 6 de 17, dans tous les coins ça blesse, blesse. Mutant, X-Men, Flexing Kepler, la drogue, j'achète, résine, plaquette, toujours dans les ouais, 95, je perds, sévère, toujours en attaque, j'ai ramené l'artillerie, j'ai commis plus d'artillerie dans la passion et le délit, à la fois ton blase mais ainsi, des vortex, des trous noirs, ce que je vois tous les soirs, des démons qui se baladent, j'ai vécu mon malheur. Oh, les bleus tournent dans la zone, dans le réseau. Flexin, remets la dos, oh oh oh. Flexin, rentre dans le réseau, oh oh oh. Les bleus tournent dans la zone, dans le réseau, oh oh oh. Les femmes du bois et autre chose. Ouais. Jamais compris le tennis, pourtant des raquettes puis j'en ai fait. 72 heures de garde à vue, demande un puissant, je la bloque les faits. Ouais, y'a pas d'after. Et quand ça tire, ce n'est pas du cinéma. H24 à la tête, comme une caméra. Le maille Balzac à des renoirs, c'est là où tout se passe. L'Andriki, j'appelle mes gabas, ça part en tout par la conso. Ouais, poto, y'en a, Clicos fait ton choix. Méfie-toi, tes gabas vont t'amener comme les frères autour. Putain de mine, putain de codéine dans mon jean. J'ai planqué ma cocaïne, tu snis, tu seras la prochaine victime. On dit, je te drogue devant les flics. Clic, clic, clic, clic, 9 mini automatique. Accroche bien ta ceinture, la ville tient qu'à un fil. Rejoins Géchard, plus de Géchard, plus de Pochard. Plus de Pochard, ramène l'amener et la Jagda pour mes couches-tards. Pour mes couches-tards, tous des zonards. On opère dans la vie grave. Posé dans le re-squad, sa vie sert des 10 balles entouré de mon squad. Tellement de dos, oh oh oh. Les bleus tournent dans la zone. Dans le réseau, oh oh oh. Les femmes j'y vois et autre chose. Flexin. Promets la dos, oh oh oh. Flexin. Rame dans le réseau, oh oh oh. Les bleus tournent dans la zone. Dans le réseau, oh oh oh. Les femmes j'y vois et autre chose. Flexin. Promets la dos, oh oh oh. Flexin. Rame dans le réseau, oh oh oh. Squad.